et kutufuata kwa njia ya mtandao. Il a posé sa question. Aliuliza swali yake. Christian Lukanda l'a envoyé dans le téléphone. Alitumia hayo mfoni. Quand j'ai ouvert hier, wakati nilifungula jana, j'ai vu cette question. Niliona iulizo. Comme ce n'est pas, c'est un frère qui est en ligne. Sabi ni nduku mwenye kutufuata kwa njia ya internet. Et qui suit attentivement l'enseignement. Na unafuata na utaratibu yote mafundisho. Il dit ceci. Nduku anasema hivi. Question. Ulizo. Question au frère. Question au pasteur Ngoi Ndai Pierre. Ulizo. Du Kambov Tabernacle. Inelekea pasteur Ngoi Ndai wa makutano ya Kambov. Je salue toute l'assemblée des saints. Na salimia. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Makutano yote ya watakatifu mujina la Bwana Yesu Kristo. C'est avec attention que je suis les enseignements sur la voie du salut. Ni na utaratibu yote ninayofuata mafundisho yule ya njia ya wokovu. Faisant référence à la prédication du 25 février 2024. Mkurudiria kumahubiri ya le 25 février 2024. Dimanche, la voie du salut. Ya Muyenga. Numéro 15. La voie du salut namba ya 15. C'est-à-dire prêcher le dimanche le 25 février 2024. La voie du salut numéro 15. Shina maubiri njia ya wokovu namba ya 15. Et les promesses de Dieu. Ndani ya mwito ya Mungu juu ya wateule yake. Il n'y a pas d'ombre de malédiction. Amuna ta kimvuri kya laana. À la 14e. 14. 15e. 15. Et 16e minute, na 16 dakika, vous dites, oui, unasema hivi. Dieu nous interdit en tant que membre de la famille chrétienne, sawa memba wa jamaa ya kikristiani, Mungu anatukataza, de nous prêter l'argent par intérêt. Kukongoshana makuta ya intérêt. Prêter l'argent par intérêt à un frère ou à une sœur. Kukongosha nduku wala dada makuta ya intérêt. Vous péchez. Ni dhambi unafanya. Mais prêter l'argent à un païen, lakini kukongosha mpaganu par intérêt, makuta ya intérêt, cela n'est pas un péché. Ile haina dhambi. Alors, sasa, ma question est de savoir, frère, ulizo yangu ni enda kujua nduku, dans Psaume au chapitre 15, Muzaburi sura 15, dans son verset 5, mustari yake ya 5. Cette écriture yandiko s'adresse à un chrétien qui prête avec intérêt aux autres chrétiens. Ineleki ya mukristu ule na kongosha wa kristu wengine na intérêt. Ou à celui qui prête avec intérêt aussi aux païens. Wala kwa ule tena na kongosha makuta intérêt kwa vile vile kwa wapagano. Que Dieu vous bénisse, frère. Mungu akubariki nduku. Votre frère Dona. Nduku yako Dona. Je pense que la question est très claire. Nazani ulizo iko wazi. Prenons Psaume 15. Tubebe Zaburi 15. Dans son verset, je commence au verset 2. Nanzia mstari pili. Ou au verset 1. Wala ya kwanza. Ô Éternel. Eh wa milele. Qui séjournera dans ta tente? Ni nani ataketi ndani ya hema yako? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Nani atadumu la mulima yako takatifu? Celui qui marche dans l'intégrité. Ule unatembea katika unyofu. Qui pratique la justice. Mwenye kutumikia uwaki. Et qui dit la vérité selon son cœur. Na mwenye kusema ukweli kufatana na moyo wake. Il ne calomnie point. Washo kusingizia kamwe. Avec sa langue. Na ulimi wake. Il ne fait point de mal à son semblable. Asitende mbaya jirani wake. Et il ne jette point d'opprobre sur son prochain. Na asitupe kamwe haya yulu ya jirani wake. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Washo kubeula na ule mwenye kudharauliwa. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Lakini anaheshimu wale wenye kuogopa. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Kama ashikojikokote kama kana afa kiapu njuu ya nkosa ile anafanya. Verset 5. Mstari ya 5. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Alombake kamwe faida yulu ya fedha yake. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Na shitika ke zawadi njuu ya mtu asiye makosa. Celui qui se conduit ainsi. Ni anajiongoza mwile na muna. Ne chancelle jamais. Ashitenka tenka ke kamwe. Que Dieu vous bénisse. Mungu apate umibariki. À la réponse de cette préoccupation. Kwa kujibia hii angaiko ya nduku. Somme au chapitre 15, verset 5. Zaburi, 15, mustari ya 5. S'adresse aux frères et aux sœurs. Nelekea wanduku na wadada. Qui prête argent. Wale wana kuongoza feza. À d'autres frères. Wabanduku bengine na wadada bengine na kuongeza hapo na intérêt. C'est à ces frères. Ni kwa wale wanduku. Que cette écriture s'adresse. Et andiko inelekea. Comme nous l'avons déjà dit. La tulisa wisema. En même temps, nous répondons aux frères. Unana wakati mwa watu ajibu nduku. Il est strictement interdit. Inakataziwa sana. De prêter aux frères et aux sœurs. Kungosha banduku na badada. Que ça soit l'argent. Iwe feza. Que ça soit la nourriture. Iwe chakula. Que ça soit n'importe quoi. Aizuru nini. Para intérêt. Na kuongeza hapo. Comme nous l'avons déjà expliqué. Sawa tusha fasilia. En tant que frère dans la famille. Sawa wanduku katika jamaa moja. Nous avons un devoir sacré de nous entraider. Tuko na mapashwa kamilifu ya kusaidiana. Et j'ai beaucoup insisté là-dessus. Na niliweka mkazo sana yule ya ile. Nous devons éviter. Tunapasha kuepuka. De nous prêter de l'argent feza, par intérêt. Mais pour les païens, lakini kwa bapagano, si vous prêtez l'argent intérêt aux païens, kama unakongosha franga intérêt kwa bapagano, cela n'est pas contraire à la parole de Dieu. Ile aikombanishe neno. Voyez. Unaona? Et Psaume 15, 5, na Zaburi 15 mstari 5 concerne les frères inelekea wanduku, qui prêtent l'argent wale à d'autres banduku bengine franga na intérêt. De tels gens bantu bavile, ne peuvent pas habiter abawezi kuishi kumulima takatifu. Dans Deutéronome chapitre 15, dans son verset 6, mstari ya 6, je commence mon verset au verset 4. Nanzia mstari ya 4. Deutéronome 15. Kumbukumbu la Torah 15. Verset 4. Mustari ya 4. Mais j'ai besoin du verset 6. Niko lazima na mustari ya 6. Toutefois. Lakini. Il n'y aura point d'indigence chez toi. Kwako, akutapatikana mtu akuishi kwa kulomba. Quand l'Éternel te bénira. Wakani wa milele atakubariki. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu. Mwinchi ile wa milele Mungu wako. Te fera posséder en héritage. Atakupatia ama urithi. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et pourquoi tout comme on a dit que ça ou tu as en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, verset 6. L'Éternel, ton Dieu. Te bénira comme il te l'a dit. Atakubariki vile alikonesha. Tu prêteras à beaucoup de nations. Utakongosha kuma inti ya mingi. Et tu n'emprunteras point. Na utakongolaka kamwe. Tu domineras sur beaucoup de nations. Utatawalaka yulu ma inti mingi. Et elles ne domineront point sur toi. Na yo aita tawala kamwe yulu yako. Vois bien mes frères. Unaona wanduku. Vois bien mes sœurs. Unaona dada wapendwa. Dans ce verset 6, la bénédiction que Dieu donnait à Israël, baraka ile Mungu anatupatia Israeli, était pour aider ilikuwa les frères kusaidia banduku, et les sœurs israélites. Na bandado wa Israeli. Mais cette bénédiction, lakini ile baraka, l'argent, feza, qu'il recevait de la part du Seigneur, ilianza kupokea kwa upande wa Bwana, il pouvait prêter cela, aliwezi kuyakongosha, aux nations, kumainchi, vous voyez, unaona. Pas aux frères. Apana kubanduku. Pas aux sœurs. Apana kubadada. Et comme nous l'avons dit. David Lionesha. Ils pouvaient dominer. Baliwezi kutawala. Les nations. Mainchi. Mais pas les frères. Apana banduku. C'est pourquoi il y avait des lois. Njoko mana kulikuwa kama sheria. Que nous l'avons expliqué. Bile tulifasilia. Et ces jours-là, je vous avais dit. Na ile siku nilionesha. Si vous suivez bien la prédication. Kama unafuata mzuri mahubiri. Je vous avais dit, allez lire. Nilionesha fait mwende msome. Dans Job, serviteur de Dieu. Mahubiri Yobo, mtumishi wa Mungu. Job, serviteur de Dieu. Mahubiri Yobo, mtumishi wa Mungu. Dans son paragraphe 15, nukta yake ya 15, à la page 7, kartasi ya 7, Fubaname dit ceci, Dubrahman anasema hivi, la rédemption ukombozi est et Dieu a une voie pour la rédemption. Na Mungu eko na njia njoa ukombozi. Si un homme ne peut pas, kama mtu asiwezi, racheter signifie ukombola maana yake être ramené, kurudishiwa. C'est comme le vieux dicton. Ikusale msemo wa zamani inasemaka hivi. Chaque fois que je vois un prêteur de gage, kila wakati naona mtu akukongoshana avec ses trois balles suspendu là. Na ile mabali tatu yenye kuweka yulu pale. Vous savez devant. Mnajua mbele. Cela me fait penser. Iko ni fani pate kuwaza. Trois points de suspension. Asikumalize wazo. Hivi basi. J'espère qu'il n'y a pas de prêteur sur gage ici. Na amini kwamba hapa hakuna bali wakongoshana na intérêt hapa. Si il y en a. Kama beko hapo hapa. Je ne dis pas ceci à votre intention monsieur. Mimi sema mambo na wewe nduku. C'est votre gagne-pain. Ndio mlo unapatia amo. Je pense que c'est légitime. Nadhani kwamba ile ni sawa. Et vous en avez le droit autant que quiconque. Na ni ruhusa kwako paka sasa kwa mtu wote. Les prêteurs, vale bakungushana, na intérêt, c'est leur gagne-pain. Ndio mlebo la patia amo. Et Frère Branham dit, na ndugu Branham anasema, c'est légal. Ni sawa. Vous avez le droit. Uko na ruhusa. De prêter. Ya kukungusha. L'argent feza, par intérêt. Na patia amo. Comme les autres le font. Sabule bengine na bo wanapatia kamo. Parce que c'est par cette activité. Ni kupitia le kazi que vous gagnez votre pain. Ndio na patia amo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Un prêteur, wa kukongoshana, c'est celui qui prête l'argent, ni yule anakongosha fedha, par intérêt, na kupatia amo ya yule. Donc c'est légitime, ni sawa, vous voyez, naona, c'est légal, ni sawa, il n'y a pas un problème, hapana mambo, là où il y a des problèmes, panakuwa mambo, c'est là où il y a le péché, ni pale panakuwa zambi, et lorsque tu commences à me prêter l'argent, ni wakati unaanza kukongosha, kunikongosha franga, tu commences à me prêter, unaanza kunikongosha mbie ndugu yako franga, par intérêt au lieu de m'aider, na intérêt pale au kunisaidia mu mateso yangu, voyez, naona, c'est là où je commence à te prêter l'argent, ni pale mimi naanza kukongosha franga, tu es en difficulté, wakati uko magumu, celui qui est en difficulté, uko magumu, a besoin d'être assisté, eko lazima bamsaidie, a besoin d'être secouru, eko lazima bamsaidie, on n'a pas besoin de lui charger, atuna lazima kumtwika tena. Et nous devons nous aider. Na tunapasha kusaidiana. Les uns les autres. Wa moja na wengine. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu emibariki sana. Que Dieu vous bénisse. Mungu emibariki. Munachoka? Vous êtes fatigué. Munachoka? Est-ce que vous êtes fatigué? Eti munachoka? Hapana. Je sens que ma fatigue commence à disparaître. Na shika sa muchoko le ndikuwa nayo inaanza kupotea sasa. Mungu amebariki. Tusimame nje kusoma neno. Le bon que le frère Mutombo avait établi le bon est là, il n'a jamais été à Lubumbashi. Kartasi le docteur Mutombo alifanya nje kumpeleka Pierre Kulumbashi. Mais je pensais que le taux le bon sautait. Niliwaza kusema malate hii pata unduka na bitilikini. En attendant que Dieu a opéré miracle. Nikusikia kusema Mungu anafanya muujiza. Mais les gens ont crié timidement. Lakini batu balibakia tu ba vukuvuku. Remercions le Seigneur. Hata sasa tumpike asante Bwana. Mupike mikono nguvu. Le nom du Seigneur Jésus. Jina la Yesu Kristo. Mungu asifiwe. Ouvrons nos Bibles. Tufungue Biblia yetu. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 15. Nous sommes Kumbukumbu la Torah sur la 15. Dans son verset 1 à 2. Mustari ya kwanza na ya pili. Et nous prendrons Genèse chapitre 5. Kisha tabeba mwanzo sura makumi tatu na tano. Dans son verset 16. Mustari yake ya kumi na sita. Jusqu'au verset 19. Kufika kumi na tisa. Si on voulait chanter un cantique. Tulipenda kuimba kumbo moja. Il n'y a plus de temps. Lakini hakuna tena wakati. Nous chanterons un cantique un autre jour. Utaimba mwimbo yetu siku ingine. Notre Père Céleste. Baba yetu uliye mbinguni. Avec reconnaissance. Na shukrani kabisa. Ce matin, je te dis grand merci. Yasubia leo na semanawe aksante mkubwa. Grand merci. Aksante mkubwa. Grand miracle que tu as opéré. Jua muujiza mkubwa unafanya. Tu as rétabli Pierre. Ukamrudishia afya Pierre. D'une manière surnaturelle. Namna ya muujiza. Toi, le grand médecin. Wewe munganga mkubwa. Toi, le tout puissant. Wewe wa uwezo yote. Toi, rien n'est impossible à toi. Wewe kwako hakuna kile kiwezekane. Ce matin, Seigneur. Asubuhi ya leo Bwana. Je te prie. Ninakuomba. Je te glorifie. Ninakutukuza. À toi l'honneur. Kwako heshima. À toi la gloire. Kwako utukufu. À toi la puissance. Kwako uwezo. De siècle en siècle. Miaka mia na mia. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Comme tu l'as fait en faveur de Pierre. Sasa ulipa mfaida Pierre. Tu es un frère. Kama kukonduku. Une sœur. Dada. Qui est dans un cas difficile. Wali ya magumu. Le même El Shaddai. Wako sawa El Shaddai. Geri le frère. Uponye nduku. Geri la sœur. Uponye dada. Amen. Merci Père. Asante Baba. Ce matin encore. Ya asubuhi tena. Donne-nous la portion du jour. Upate sehemu ya siku. Bénis chacun de nous. Ubariki kila moja wetu. Bénis ta parole. Ubariki neno lako. Bénis les frères et sœurs qui sont en ligne. Ubariki wa dada wakipata mjia mtandao. Au nom de ton fils bien-aimé. Jina la mwana wako mpendwa. Notre Seigneur sauveur Jésus-Christ. Bwana wetu na mwokozi wetu Kristo. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 15. La Torah, sura 15. Verset 1 à 2. Mustara kwanja na ya pili. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Kisha miaka saba kila mara utaachilia. Et voici comment s'observera le relâche. Na tazama namna gani achilio itafanyika. Quand on aura publié les relâches en l'honneur de l'Éternel, wakati watatangaza atilio njua heshima ya milele, tout créancier yeyote alikopesha qui aura fait un prêt à son prochain, ule atakongosha jirani wake, se relâchera de son droit. Atacha alali yake. Il ne pressera pas son prochain. Hasa songa jirani wake. Et son frère. Na nduku yake. Pour le paiement de sa dette. Juu ya kumulipa deni yake. C'est vrai. Bia kweli. Presser un frère. Kusonga nduku. Presser une sœur. Kusonga dada. Pour le paiement de sa dette. Bia kulipe deni yako. C'est un péché. Ni zambi. Dans la Genèse. Mukitabu ya mwanzo. Au chapitre 35. Sura makumi tatu na tano. Verset 16. Mstari kumi na sita. Ils partirent de Bethel. Wakaondoka Betheli. Et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Na kuliko kingaliki safari murefu kwenda kufika kuliko Ephrata. Lorsque Rachel akusha. Wakati Rachel akazala. Elle eut un accouchement pénible. Alipata kuzala na magumu. Pendant les douleurs de l'enfantement, na wakati amemwipa kuzala, la sage femme lui dit, ule wa mwanamke wa kuzalisha akamwonesha, ne crains point, usiogope kamwe, car tu as encore un fils. Kwani uko tena na mtoto mwingine. Et comme elle allait rendre l'âme, na sabila aliwezi kufa, car elle était mourante, kwani alikuwa muadi kufa, et lui donna le nom de Ben Only. Na akampatia jina ya Ben Oni. Mais son père, lakini baba yake, l'appela Benjamin. Akamuita mtoto mungina la Benjamino. Rachel mourut. Rachel akakufa. Et elle fut enterrée. Na akazikwa. Sur le chemin de Frata. Barabala ya kwenda kwa Frata. Yé Bethlehem. Yenye kwa Bethlehemu. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kusomea neno lake. Vendredi, Mkazitano, pendant qu'on voulait se quitter, wakati tuluwezi kuachana, nous nous sommes séparés sur une pensée. Tuliachana yulu ya wazo fulani. Dans toutes les relations que nous avons avec notre Dieu. Katika mapatano yote ile tuko nayo na Mungu wetu. Ce sont des relations. Ni mapatano. Qui sont caractérisées. Ile iko nonekanishwa. par notre soumission, kwa utiifu yetu, notre obéissance totale, kuti kwetu kwa utele, et un respect absolu à notre Dieu. Na heshima ya nguvu kwa Mungu wetu. Dans notre relation avec Dieu, katika mapatano yetu na Mungu, si nous prenons Dieu en tant que roi, quand on appelle Mungu sa umfalme, nous nous sommes ses sujets. Chie tuko batu yake. Les sujets du roi, batu ya mfalme, ont l'obligation d'obéir. Biko na mapasho ya kutii, de se soumettre, ya kujitiisha, et de respecter le roi. Na kumheshimu mfalme. Si Dieu est notre père, kama Mungu ni baba yetu, nous nous sommes ses enfants. Si et tuko batoto yake. En tant que filles et fils de Dieu, na wabinti na wana wa Mungu, nous devons l'obéissance totale à Dieu. Tunapasha utiifu kabisa kwa Mungu. Nous lui devons la soumission. Tunapasha kujitiisha kwake. Et le respect. Na kumheshimu. Dieu en tant que maître. Mungu sawa bwana. Dieu en tant que Seigneur. Mungu sawa bwana. Nous nous sommes ses esclaves. Chie tuko batumwa yake. Et chaque esclave, na kila mtumwa, est dans l'obligation, eko mapashwa, de se soumettre, ya kujitiisha, d'obéir, ya kutii, totalement à kabisa, kabisa kwa bwana wake, à son Seigneur, kwa bwana wake, et il est soumis à un respect total. Na eko na ile utiifu ya utele. Et notre Dieu en tant que notre époux, na Mungu wetu sa bwana arusi wetu, nous nous sommes son époux. Chie ndio bibi arusi wake. En tant que époux de Jésus Christ, sa bibi arusi wa Yesu Christ, nous lui devons le respect, tunamupashwa heshima, la soumission, utiifu, et l'obéissance, na kumutii, en toutes choses, katika maneno yote. Ce que nous avons montré, ndio ile tulionesha. Et nous avons dit ceci, na tulisema hivi. Dieu ne peut rien faire, Mungu hawezi kufanya kitu, avec nous aussi longtemps, na siye wakati yote, que nous sommes désobéissants. Tuko bakutokuti. Nous sommes insoumis à sa wakati parole. Yote, atutiche kuneno lake. Dieu ne peut rien accomplir. Mungu hawezi kutimiza kitu. Aucune chose. Hata kimoja. Dans notre vie. Maisha yetu. Dieu ne peut pas opérer des surnaturels. Mungu hawezi kufanya vitu vya kiroho. Il ne peut pas opérer la délivrance. Hawezi kufanya ukombozi. Dans nos âmes. Katika manafsi yetu. Il ne peut pas opérer un changement. Hawezi kupa mabadiliko. Il ne peut pas créer sa nature en nous. Hawezi kuumba asili yake ndani mwetu. Non mon frère. Hapana ndugu yangu. Non ma sœur. Hapana dada yangu. Donc si vous êtes désobéissant, vous êtes insoumis, vous n'avez pas du respect, aucune crainte à l'égard de Dieu et envers sa parole, ne vous attendez à rien. Dieu ne peut rien faire avec toi et ne peut rien faire pour vous. Si vous avez suivi dans toutes les relations, katika mapatano yote, qui ont existé entre Abraham et Dieu, ili kuwako kati ya Ibrahim na Mungu, jusqu'au point où Dieu l'a appelé, hata mufika mukimo ile Mungu, alifika mukumuita se rafiki yake, ce sont des relations, ni mapatano, d'obéissance, ya utiifu, même là où c'était difficile à un homme, hata pale ilikuwa kigumu kwa mtu apate kutii, Abraham obéissait. Ibrahim alikuwa mkuti. Parce qu'il respectait Dieu. Juu alikuwa anamheshimia Mungu. Il faisait confiance. Na alianza kumtumainia Mungu katika maneno yote. C'est vrai frère. Ni kweli ndugu. Abraham était soumis à Dieu. Ibrahim alikuwa mtiifu kwa Mungu. Il faisait la volonté de Dieu. Alikuwa anafanya mapenzi ya Mungu. Et Dieu est allé. Na Mungu akaenda. Bali na kumuonesha. Quand il lui avait demandé. Wakati yeye alimuomba. Son fils unique. Mtoto wake wa pekee. Comme tu as fait cela. Savile unatenda vile. Je sais maintenant. Najua sasa. Que toi tu n'obéis. Ya kwamba wewe uko unanitii. Comme tu as fait cela. Savile ulitenda vile. Tu me respectes. Unanyeshimu. Tu m'aimes. Unanipenda. Vous voyez. Unaona. Comme tu as fait cela. Savile ulitenda vile. Moi aussi. Na mi vile vile. Je te bénirai. Nitakubariki. Moi aussi. Na mi vile vile. J'accomplirai. Nitatimiza. Chaque promesse. Kila ahadi. Que je t'ai faite. Ile nilikufanizia. C'est vrai frère. Ndio kweli ndugu. C'est un bon exemple. Ni mfano ya mzuri. Dieu ne peut accomplir Mungu sur vous yako, aucune de ses promesses hata si vous êtes un rebelle. Wakati yote woko ntombozi. C'est vrai, frère. Ni bia kweli nduku. Si vous voulez que nous soyons amis kama unapenda tupate kwa warafiki, de notre Seigneur, ya bwana wetu, de notre maître, wa bwana wetu, de notre époux, wa bwana wetu, de notre roi, ya mfalme wetu, de notre père, ya baba yetu, soyons soumis à sa tupate parole. Tupate kwa watiifu kuneno lake. Yesu mwenyewe alisema, si vous faites ce que je vous ai commandé, kama mnafanya yale niliyamuamuru, mes amis, pale muko barafiki yangu. C'est vrai, frère. Ni bia kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ni bia kweli dada yangu. Donc, kusema, comprenez que mwelewe ya kwamba, chacun de nous kila mmoja wetu, doit être soumis anapasha kwa mutifu, dans une obéissance totale, katika utifu ya utele, dans un respect parfait, mheshima kamilifu à Dieu, kwa Mungu. Et à ce moment-là, na mwile wakati sasa, Dieu fera des merveilles. Mungu atafanya madamani na sie. Nous vous avons dit ceci. Tulimuonesha hivi tena. Regardez. Tazameni. Quand nous prenons wakati tunabeba Israël dans la chair, Israël mumwili, sous la domination de Pharaon, chini ya utawalo ya Pharaon, qui était son maître, ula alikuwa bwana wake, celui qui le tenait sous l'esclavagisme, ula alimushika mubutumwa, vous voyez, unaona, et aujourd'hui Pharaon, na leo hii Pharaon, c'est Satan, ni Shetani, mais il y a deux esclavagismes. Lakini kuko butumwa buwili. Il y a l'esclavagisme de Satan. Kuko butumwa ba Shetani mwenye kwa Pharaon. Et l'esclavagisme de Dieu. Na butumwa ba kwa Mungu. Dieu nous sort. Mungu anatuokoa. De l'esclavagisme de Satan. Toka butumwa ba Shetani. Il ne nous laisse pas libre. Na situasi uru hapana. Il nous met sous son esclavage. Eko netuweka sasa mubutumwa bwake. Vous voyez. Unaona? Les deux sont des maîtres. Bote ni watawala ni wa bwana. Shetani ni bwana. Dieu aussi est un maître. Mungu naye ni bwana. Satan est un seigneur. Shetani naye ni kabwana. Dieu aussi est un seigneur. Mungu naye ni bwana. Mais une chose que nous avons fait remarquer à l'église. Lakini kitu kimoya tulifanya angalisho kukanisa. Sous l'esclavagisme de Satan. Chini wala mbutumwa ya Shetani. Satan était méchant. Shetani ni muovu, ni mutu mubaya. Un homme sans pitié. Mutu asiyokuwa na huruma. Un homme qui ne connaît pas de pardon. Mutu asijue usama. Sa domination. Utawalo yake. Il domine par méchanceté. Eko natawala kwa roho mbaya. Il domine avec cruauté. Eko natawala na ukali. Il domine avec violence. Eko natawala na ukaidi. Il domine avec haine. Eko natawala na chuki. Il domine avec mépris. Eko natawala na kadharau na kubeula. Il domine par force. Eko natawala kwa mkazo. Et la finalité. Na mwisho wa maneno. C'est vous rendre malheureux. Ni kukufanya kuwa waole. Et à la fin. Na kumwisho. C'est vous conduire à la mort. Ni kukupeleka kulufu. Tous les gens. Batu boti. Qui servent Satan. Be kumutumikia Shetani. Tous les hommes, banaume boti, toutes les femmes, banamuke boti, qui sont sous l'esclavagisme, beko mubutumwa, de Satan, ya Shetani, ils sont sous l'oppression, beko mkusongwa, Satan les humilie, Shetani anawafedhelesha, anawatendea mubaya, un seul objectif, kipukuzio tu moja, kile Shetani iko nabo nayo yule yabo ni kubaharibu, de les rendre malheureux, kubafanya kwa baole, et de les conduire à la mort, na kubapeleka kulufu, en servant Satan, mkumtumikia Shetani. Attendez-vous à la mort. Kilo onongoja ni lufu. Si aujourd'hui tu prends la résolution de servir les diables, que tu ne te manques que tu as enfoui dans le sol, attends-toi que le diable ne peut jamais te récompenser, tu finiras toujours dans une situation malheureuse. Et tu vas récolter ce que tu es en train de chercher. Vous serez humilié. Ou t'asfaiserez soi. Vous serez malheureux. Ou t'as quoi waole. Satan te rendra malheureux. Satan a t'as quoi waole. Et la fin. Na mwisho. Tu mourras. Ou t'as koufa. Mais la domination de notre Lakini Dieu. Utawalo ya Mungu wetu ya Kristo. Notre Dieu. Mungu wetu. Comme maître. Sawa bwana. Comme Seigneur. Sawa bwana. Lui. Yeye. Nous traite avec amour. Et on tendait na mapendo. C'est vrai. Ni byakweli. Il nous domine avec amour. Anatutawala na mapendo. Avec compassion. Na huruma. Avec douceur. Na upole. Il exerce sur nous la bienveillance. Et on a soumis à lui et tous les moyens mouema. Il fait tout. On a fait la bioté. Dans notre intérêt. On fait d'ailleurs tout. Il nous respecte. On a tout ici. C'est vrai. Il nous édifie. On a tout djenga. Il nous raère. On a tout fait quoi waeri. Et na. La finalité. Oui, je suis à maneno. C'est la vie éternelle. Il vous dit ma milele. Donc c'est à toi de choisir. Il vous dit ma ni wa kuchakula. C'est pourquoi Jésus a dit, Joka mana Yesu alisema, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, venez à moi, voyez, mnaona, je vous donnerai du repos, nitampatia mapumziko. C'est vrai frère, ni kweli nduku, c'est vrai ma sœur, ni kweli dada yangu, ce que nous avons dit, njo ile tuliwezi kusema. Maintenant suivez encore, sasa mfuate tena. Nous considérons kama tunabeba la naissance des patriarches. Vous allez quoi, kwa bababu? Lorsqu'ils furent enfantés. Wakati waliwazala. Il y avait un grand mystère. Kulikuwa kasiri mkubwa. Il y avait le surnaturel. Qui accompagnait leur mère. Pendant qu'ils accouchaient. Quand les mères de patriarches. Wakati ba mama yabo ya bale wababu. Donner naissance à leurs enfants. Pendant qu'ils étaient en travail. Pendant qu'ils étaient dans les douleurs de l'enfantement. Ils donnaient la position. Et la place que devait, la place na de phase, visage, na phase yauriti, où devait être placé kule, bale pasha kueka, cet enfant qui naissait en Palestine. Ule mutata, mutoto aranza kuzalikia mule mpalestine. Non, la place qu'il occuperait en Palestine. Maman baranza konesha hali wala fazi ile mtoto lazaliko alipata kubeba mu Palestine. Je reprends cela. Narudiria hapo. À la naissance des patriarches. Kuzalikwa kwa bale bababu. Lorsque l'enfant naissait. Wakati mtoto alikuwa mkuzalikwa. La mère en travail. Mama wakati ya kuzala. Pendant qu'elle était dans les douleurs de l'enfantement, wakati alikuwa na ile maumivu ya kuzala, annoncé d'avance, alianza kutangulia kutangaza, et donner la position, na kuleta fazi, et la place de l'enfant, na kazi ya mtoto, qu'il devait occuper en Palestine, ili alipasha kubeba mu Palestine, comme son héritage, ama urithi yake. Et le faisait par inspiration divine. Na wamama wanaanza kutangaza kaili kwa kusukumwa na Mungu. Lorsque une mère donnait naissance. Wakati mama alikuwa mu wakati ya kuzala. Pendant qu'elle était en travail. Wakati alikuwa na ile maumivu. Elle annonçait d'avance. Aranza kutangulia kutangaza. La position et la place. phase na kazi ile d'héritage ya uriti que cet enfant qui naissait ile ule mtoto anaanza kuzalikwa devait occuper anipashaka kubeba en Israël mu Israeli en Palestine mu Palestine et cette main le faisait na ule mama anaanza kufanya ile sous l'inspiration divine anaanza kutangaza kwa kusukumwa na roho ya Mungu. C'est vrai. Libya kweli. Ce que les mères faisaient. Il est ba mama dans l'Ancien Testament. Ba mama anaanza kufanya mwagano za kale. Sous l'inspiration divine. Mwenye kusukumwa na roho ya Mungu. À la naissance de chaque patriarche. Kuzalikwa kwa kila babu. En annonçant d'avance. Kutangulia kutangaza. La position de l'enfant. Fazi ile mtoto. Et la place qu'il occupait en Palestine. Na kazi alipaswa kufanya mu Palestine. Et le type de déplacement. Ni picha ya kuwekwa. Dans l'église de chaque membre. Ndani ya kanisa kwa kila member. Par Dieu lui-même. Na Mungu ye mwenyewe. Chacun de nous. Kila mmoja wetu. Selon sa particularité. Kufuatana na upekee yake. A une place dans la maison de Dieu. Eko nafasi yake mu nyumba ya Mungu. C'est vrai. Libya kweli. Tout enfant de Dieu. Mtoto wote wa Mungu. Toute fille de Dieu. Binti wote wa Mungu. Qui naît en Christ. Ule anazalikwa ndani ya Kristo. Le Saint-Esprit lui-même. Roho Mtakatifu. Ye mwenyewe. Montre sa position. Ekononesha fazi yake. Et sa place. Na hali yake. Qui doit occuper. Ile anapata kubeba. En Christ. Ndani ya Kristo. C'est vrai. Ibya kweli. Dans l'église du Seigneur. Ndani ya kanisa ya Bwana. Il ne doit pas y avoir de cafouillage. Akuwezekane kwa mambo kufuyafuya hapana. De désordre. Mafujo. Ou de la confusion. Wala mvuruko. Non bien-aimé frère. Hapana ndugu mpendwa. Non bien-aimé sœur. Hapana dada mpendwa. Chaque véritable enfant de Dieu. Kila mtoto wa kweli wa Mungu. Né de la parole de Dieu. Mwenye kuzalikwa kwa neno la Mungu. Né de la parole de vérité. Mwenye kuzalikwa kwa neno la ukweli. Né de l'esprit de vérité. Mwenye kuzalikwa kwa roho ya ukweli. Dieu le positionne. Mungu kwa nampatia fazi yake. Vous voyez? Unaona? Dieu le place. Mungu anamweka. En Christ. Ndani ya Kristo. Dans la maison de Dieu. Munyumba ya Mungu. Dans son corps. Katika mwili yake. De telle manière. Unamna kusema. Il n'y a pas de confusion. Hakuna mvuruko. Il n'y a pas de trouble. Hakuna fujo. Au temps de l'héritage. Mwakati ya urithi. Quand les gens commencent à travailler dans les dans la maison de Dieu. Wakati batu wanaanza kutumika katika nyumba ya Mungu. Il ne doit pas y avoir de la confusion. Haiwezekani kukwe mvuruko. Kila mtu, tout homme, kila mtoto wa Mungu, tout enfant de Dieu, eko na fwashi yake. À sa place. Pale ambao Mungu akumbinu. Là où le Dieu du ciel. Anamuweka mu nyumba yake. L'a placé dans sa maison. Pale ambao anapasha kurithi. Là où il doit hériter. Pale ambao anapasha kumtumikia. Là où il doit le servir. Hakuna mtu. Il n'y a personne. Wa kubeba fwashi. Qui doit prendre la place. Ya mtu mwingine. De quelqu'un d'autre. L'église est avec moi. Et kanisa linifuata. Kama bantu beko na leta fujo mu kanisa. Les gens créent des désordres dans l'église. Atamu namna ya kutumikia Mungu. Même dans la façon de servir Dieu. Ni bantu ambao abakuitwe na Mungu. Ce sont des gens qui n'ont pas été appelés par Dieu. Ni bantu abakuzarikwe. Ce sont des gens qui ne sont pas nés par l'esprit de Dieu. Na neno la Mungu. Et qui ne sont pas nés par la parole de Dieu. Abayuwe ni fwashi. Ils ne savent même pas quelle est la place. Abayuwe fwashi yabo. Ils ne savent même pas leur place. où ils doivent servir et où ils doivent défendre la parole de Dieu. Mais tous ceux-là qui sont nés dans le royaume de Dieu, ils sont nés en Jésus-Christ, chaque enfant de Dieu a sa propre place là où Dieu l'a positionné. Il n'est pas question d'être jaloux de quelqu'un d'autre. Non, bien aimé frère. Il n'y a rien à se bousculer. Apana, mon frère. Non, Dukuyangu. Apana, ma soeur. Non, ma soeur. Parce que mon nyumba ya mungu, car dans la maison de Dieu, amuna mulofua, il n'y a point de chômeur. Mungu akumimu, les yeux du ciel anesha kuleta ki, na kila mutoto yake, aja donné à tout enfant ile anapasha kufuanya, le travail qu'il doit exercer kukombania ufalme ya mbingu, pour défendre le royaume de Dieu, le royaume des cieux. C'est vrai, frère. Ibia kweli nduku. Dans l'église du Seigneur, ndani ya kanisa ya Bwana, le corps de Christ, mwili ya Kristo, la maison de Dieu, nyumba ya Mungu, est semblable à la maison au temple de Salomon. Inafananishwa na nyumba ekalu ya Salomoni. À la construction. Wakati ya majengo. Du temple de Salomon. Na ekalu ya Salomoni. Les pierres. Mawe. Qui ont érigé le temple de Salomon. Ile walijenga nayo ekalu ya Salomoni. Ne sont pas venus seulement. Aikukua tu. Uniquement. Paka tu. D'Israël, ya Israël, de la Palestine. Ya nyum, Palestine. Non. Apana, apana. Les pierres Maïbwe, qui ont érigé le temple de Salomon, et Kalu ya Salomoni, sont venus du monde entier. Ilitoka mudunia yote mzima. D'autres par bateau, bengine waleta na merkebu, d'autres par route, bengine kwa balabala. C'est vrai, frère. Ibia kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Ibia kweli dada yangu. Et ces pierres n'étaient pas taillées en Palestine. Ces pierres étaient taillées dans le monde entier. Et quand une pierre était ramenée en Palestine pour être construite au temple de Salomon, la pierre s'emboîtait exactement avec d'autres pierres. C'est ainsi qu'à la construction du temple de Salomon, ya ekalu ya Salomoni, il n'y avait pas de marteau. Akukwe sando kulia. Non, il n'y avait pas de birin. Akukwe mabirin apana chuma. Non, bien aimé frère. Apana nduku mpendwa. Non, bien aimé sœur. Apana dadangu mpendwa. Toutes les pierres. Maibo yote. Étaient taillées en carrière. Bari chongoleaka mchapu. Vous voyez. Unaona. Toutes les pierres. Maibo yote. Étaient taillées en carrière. Baranza kuchongolea mutapu. Avec des mesures exactes. Na bapimo ya kweneana. Na wakati wanaweza kuleka sa Palestine. C'était pour. Ilikuwa tu. Les mettre maintenant. Kuweka sasa. À la maison. Kunyumba. Et là. Na pale. Elle s'emboîtait. Ilianza kuambatana. Sans bruit. Bila kufama kelele. Voyez bien mes frères. Unaona wanduku wapendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendo. Il en est de même du corps. Ni pamoja na mwili ya Kristo. La parole de Dieu. Neno la Mungu. L'église comme une kanisa, ça hivi, yetui, kanisa, ou wala makanisa, sont des carrières, ni machapu, et dans les carrières, na mulo machapu, muku makelele, unaona wanduku wapendwa, unaona dada mpendwa, je ne vais pas aller de l'autre côté, upende kwenda ngapili, napitia, nasimamia hapa, niwa kifukuzio, unaona, ici dans l'église, hapa ndani ya kanisa, tuko njoo mchapu, unaona, muku makelele umu, unaona, ici y a des birins, hapa, kuku machuma, kuku masando, unaona nduku, ici y a des plaies, hapa, kuku kulia, kuku vilonda hapa, ni mchapu, kule bantu, de Jumizaka, on a un duc à peine. Mais quand on entre dans le corps de Christ, on a un duc à peine. Là, moule, c'est dans la paix. Nikatika salama, là, moule, c'est dans la joie. Nikatika fura, là, moule, c'est dans l'harmonie. Nikatika usawa, là, moule, il n'y a pas de confusion. Mvuruko, il n'y a pas de trouble. Akuna fujo, chacun entre au corps de Christ pour occuper la place que Dieu lui avait consignée. Ile Mungu alimwandikia, alitangulia kumutayarishia. Unaona nduku mpendwa, unaona dada mpendwa, hata majengo ya ekalu ya Salomoni, si on prenait une pierre, kama libaka liwe, qui venait par exemple, ilianza kutokea kwa mfano, Congo, ya Mukongo, ou de Zimbabwe, wala Mzimbabwe, voyez, unaona, ou de Namibia, wala ya Namibia, On les plaçait à la, on les mettait à la place. Na banewe kapafazi. D'une pierre. Yaribwe. Qui devait venir de l'Égypte. Ils ne pouvaient pas s'emboîter. Haikuwezi kuambatana. Vous voyez bien mes frères. Naona wantu kuwapenda. Ça. C'est la sagesse. Ni hekima. Surnaturelle de Dieu. Ya kiro ya Mungu. Vous voyez bien mes frères. Naona wantu kuwapenda. Les pierres. Maibwe. Qui ont érigé Ilijenga, les temples de Salomon sont venus du Congo, ilitokea Mukongo, Namibie, Namibia, Zimbabwe. Jusqu'aujourd'hui, il y a des carrières là où on extrait les pierres, ile maibwe, de l'or, zahabu. Vous voyez bien mes frères. Unaona, comme l'or de fil. Ya fir, de saphir. Ya saphir. Vous voyez bien mes frères. Toutes ces choses-là. Bile bintu biote, mais Dieu lakini Mungu avait fait des choses. Alifanya kabitu, de manière merveilleuse. Munamna ya damani. L'église est avec moi. Kanisa unanifuata. Maintenant c'est mère. Sasa awa mama. Qui par inspiration divine. Bale kwa kusukumwa na roho ya Mungu. Annoncer d'avance. Wanaanza kutangulia kutangaza la position. Msimamo fazi. Et la place. Na kazi. Kukipere. Fazi ile liwezi. Cet enfant en Palestine. Palestine. C'est ce qui fut confirmé plus tard. Na njole ile hakikishwa kamwenda masiku par Jacob. Na Yakobo. Quand il bénissait ses fils. Wakati anaanza kubariki batoto yake banaume. C'est ce que Dieu a confirmé. Dieu le Mungu alihakikisha par Moïse. Kwa njia ya Musa. Lorsqu'il bénissait. Wakati alikuwa anabariki. Ses frères. Bandugu yake. C'est ce qui fut confirmé. Dieu alihakikishiwa par Josué. Na Yoshua. Lorsqu'il partageait. Wakati aligawanya la Palestine. Palestine. À la sortie. Kutoka de l'Égypte. Mumisri. Prenez les écritures, vous allez les lire. Mbebe maandiko mtenda kuyasoma. Dans la Genèse 29. Kitabu ya Mwanzo sura 29 verset 32 à 35. Makumi 32 kwenda makumi 35. Genèse 30. Mwanzo sura 30 verset 1. Mstari ya kwanza à 24. Kwenda makumi 4. Genèse 35. Mwanzo sura 35 verset 16. Mstari ya 16 à 19. Kwenda 19. Vous verrez comment les patriarches utaona namna gani wa babu sont nés. Walizalikwa. Et le nom de chaque patriarche na jina kila babu a une signification. Iko na maana yayo. Et dans le nom na mujina le nom majina révéler l'endroit iko na funula fazi d'héritage ya urithi de chaque enfant ya kila mtoto. Vous voyez. Munaona. Chez les Juifs, Kubayuda, on ne donne pas de nom sans signification. Abaleteke jina bila mana. Comme chez nous les païens. Da kwetu si bapagano. Dieu te donne un enfant. Mungu anakupatia mtoto. Tu dis cet enfant. Unasema huyu mtoto. S'appellera Ricky. Ataitwa jina ya Ricky. Parce que Ricky sonne bien. Juri Ricky kuna sikilika mzuri kwa masikio. Ou parce que tu as entendu ce nom. Wala tunju lisikia ile jina. Dans une famille. Mujama fulani. Ou tu l'as entendu. Wala ulisikia. Dans à la télévision. Télévision. Ou dans une série. Wala mufilme filme fulani ile unapendaka. Non frère. Hapana ndugu. Non ma sœur. Hapana dada yangu. Chaque nom. Kila jina. A une influence iko na uvuto fulani sur tout homme yulu ya mtu wote. Le nom que vous portez jina lo na beba a une influence iko na uvuto sur votre vie yulu ya maisha yako. Le nom que vous portez jina lo na beba révèle votre caractère na kunua tabia yako. C'est vrai. Ni bia kweli. Avant de donner un enfant, mbele ya kupatia mtoto, un nom, jina, tu dois connaître ce que ce nom-là signifie. Unapasa kujua maana ya ile jina. Il y a des frères, kuko banduku, il y a des sœurs, kuko badada, ils donnent à quelqu'un le nom, anapatia mtoto jina, ce nom-là signifie, ile jina maana yayo, chia, pusi, ou chien, wala imbwa. Et il appelle son fils. Na anaita mtoto wake mwanaume. Ou sa fille. Wala binti wake. Comme chat. Sawa pusi. Mais avec beaucoup de joie. Lakini na furaha mingi. Non frère. Hapana ndugu. Il y a nos coutumes comme chez les Emba. Kuko madesturi sawa kwa Emba. On donne aussi des noms. Na boba naletaka majina. Circonstances. Kufatana na mambo ile inafanyika wakati kuzaliwa kwa mtoto. Quand ton nom. Wakati jina lako. A une mauvaise signification. Iko na maana ya mubaya. Il faut le refuser. Inapasha kuikatala. Il faut le changer. Inapasha kuibadilisha. Dans la Bible. Mu Biblia. Il y a beaucoup de croyants kuko waminifu wengi dont Dieu lui-même bale Mungu ye mwenyewe a changé alibadilisha de nom manjina yabo. Pourquoi? Jua nini? Parce que leur nom juu manjina yabo avait de mauvaises significations ilikuwa kana maana ya mubaya qu'il ne méritait pas ila wakustahili a élu de Dieu kwa mteule wa Mungu. Quand vous prenez le nom wakati wa manjina za Yakobo qui signifie maana yake un voleur, un trompeur, mdanganifu. Mais lakini quand Dieu sauva Jacob, wakati Mungu aliokoa Yakobo, il lui dit, akamonesha, il ne sera plus appelé Jacob, hautaitwa tena Yakobo, ton nom, jina lako, et inakuwa Israël, un prince, sultan, mtoto mfalme. Quand Abraham finit, wakati Ibrahimu alizalikwa, il s'appelait Abraham, alikuwa naita Ibra. Mais à l'appel. Lakini kwa wakati ya mwito yake, wakati Mungu akamokoa, il est devenu maintenant. Akakuwa sasa importer. Mwenye kuchukua. Chemchemu. De toutes les bénédictions. Ya mabaraka yote. Dieu l'a appelé. Mungu akamuita Abraham. Ibrahimu. Dieu lui donna une partie de lui. Akampatia sehemu yake. Sarah quand elle est née. Sara wakati alizalikwa. Elle était Sarai. Alikuwa Sarai. Et quand Dieu vient. Na wakati Mungu anakuja. Après son salut. Kisha wokovu yake. Il lui donne le nom. Mungu akampatia jina. Sarah. Ya Sara. Vous voyez bien mes frères. Unaona ndugu wapendo. Baba yako na mama yako wanakupatia jina. Ton père et ta mère te donnent le nom. Kiamateso. Kiamateso. C'est lui qui souffre. Kiamateso juu. Mwile periode wali kuzalaka. Car à l'époque où tu étais né, baba yako na mama yako ton père et ta mère passaient par des moments très difficiles. Sasa wewe unabeba ile jina. Maintenant toi tu prends ce nom là. Siku batakwambia kusema. Les jours vont te dire que tu as mateso, maana yake. Qui ne peut que souffrir. Uko makumbusho ya mateso baba yako na mama yako walipita. Ah, tu es le souvenir des souffrances et difficultés par lesquelles tes parents sont passés. Ile jina ikuendelea en tant que. Ce nom là ne te convient pas en tant que chrétien. Tu dois ôter ce nom. Itakuletea michoko. Ça va t'attirer des ennuis. Vous voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Quand Dieu a sauvé Saul. Wakati Mungu aliokoa Saul. Vous voyez. Unaona. Il a changé son nom. Alibadilisha jina lake. Ce n'est pas notre chapitre. Ile anandoshina yetu ya mahubiri. Parce que chaque nom. Juu kila jina. A une signification. Iko na maana yayo. Pas seulement une signification. Hapana paka maana. Chaque nom. Kila jina. A une influence. Iko na uvuto. Vous voyez bien mes frères. Unaona ndugu wapendwa. Beaucoup de gens portent les noms de Ilunga. Bantu bamingi jina ya Ilunga. Mais ils ne savent pas. Lakini abajue maana Ilunga ni nini. Ilunga signifie mana yayo réconciliateur mpatanishi. Goi signifie Goi mana yake c'est celui qui sanctifie ule kuna takasa. Voyez ça no. Ça un bon nom ni jina mzuri. Oui mnaona. Maintenant si ton nom n'a pas de signification saka jina yako haina maana ou c'est un mauvais wala ni jina ya mubaya ou on vous donne un nom makupa jina qui signifie mana yayo. Un homme qui ne fait que tomber malade, un maladif, il faut changer ce nom. Sinon vous souffrirez. Et c'est pourquoi ville tout où t'as testé. Que Dieu vous bénisse. Alors vous lirez ici. Dans ce chapitre que je vous ai donné. Comment les patriarches naissaient et comment leur mère leur donnait des noms qui reflétaient leur position en Palestine, qui leur positionnaient dans leur héritage. Il n'y avait pas de conflit. Dans la Genèse 49, mwandike tu. Jacob, avant la mort, mbele ya kifo, il bénit ses fils. Kufa, akabariki batoto yake banaume. Dans ses bénédictions, na ndani baraka yake, il révèle eko nafunua la position fazi de chaque enfant ya kila mtoto, et son héritage, na urithi yake, et sa bénédiction, na baraka yake. C'est vrai. Ni kweli. Moïse, Moussa, avant de partir, mbele ya kufa kwenda kwake, unaona. Sous l'inspiration divine. Kita kusukumwa na Mungu. Dans Deutéronome 33. Mkumbuko wa Torati sura 33. Mwandike. Genèse 49, c'est Jacob, Yacobo, c'est Israël, Israeli, qui bénit ses fils. Dans Deutéronome 33, c'est Moïse, Paleni Moussa, qui bénit ses fils. Voyez bien mes frères, na ono andu kwa penda. Quand vous prenez Ukibeba, la bénédiction baraka de Israël, ya Israeli, et la bénédiction de Moïse, na baraka ya Moussa, concorde exactement inambatana kabisa kabisa avec le nom na jina que leur mère mama yabo avait donné aux enfants kupatia batoto yao, sous l'inspiration divine kusukumwa na Mungu, à leurs enfants batoto, wakati kuzala batoto yabo. À la sortie maintenant sasa mkutoka d'Israël, ya Israeli, de l'Égypte, mu Misri. Dans Josué chapitre 13, comme Joshua sura 13 verset 14, vous voyez, unaona, chapitre sura chapitre 13, chapitre 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 20, là vous verrez, vous utaona, sous l'inspiration divine, benye kusukumwa na Mungu, sous la conduite du Dieu puissant, benye kuongozwa na Mungu wa uwezo yote, Josué, Joshua, en train de partager le pays inchi, selon l'héritage de chaque enfant. Na uriti, akila mutoto. Si à la maison vous lisez pas kama ça, kunyumba musome, vous n'allez pas comprendre certaines choses. Fulani fulani. Moi je ne saurais pas les lire parce que ça va prendre beaucoup d'enseignement, beaucoup de jours. C'est vrai frère. Mbia kweli nduku. C'est vrai ma soeur. Mbia kweli dada yangu. Et chaque enfant, na kila mtoto, à la partage de la Palestine, wakati wagawanyiwa kwa Palestine, a reçu son héritage, kila mtoto alipokea urithi yake, conformément au nom qu'il avait reçu, kufuatana na jina ile alipokea, conformément à la bénédiction reçue de son père, kufuatana na baraka ile alipokea kwa baba yake, baba yabo, conformément à la bénédiction reçue de son père, na baraka ya Mungu kupitia Musa, mtumishi wa Mungu. C'est ainsi que Josué Yoshua, les a partagés leur héritage. Et il n'y a jamais eu de conflit. Il n'y a jamais eu de guerre entre eux. C'est ainsi que quand vous lisez la Bible, même dans leurs activités, hata katika makazi yabo, makazi yabo, na leurs activités, en Israël, mu Israeli, je l'avais expliqué dans la patriaka, mukikowani, vous voyez, munaona, chaque tribu, kila kabila, chaque famille, kila jamaa, avait un travail ilikuwaka, particulier, na kazi yao ya upeke, la famille de Ngoi, jamaa ya Ngoi, la pêche, Buloba, la famille d'Adolphe, jamaa ya Adolphe, qui cultive les palmiers, ulima ngazi, la famille de Josué, jamaa ya Josué, ya Josué, lui, yo, il élève les moutons. Bon, kulea, banku, la famille de Raymond. Jamaa ya Raymond. Lui, c'est l'huile. Yo, ni mafuta. Voyez. Munaona. Et la famille de Jamari. Na jamaa ya Jamari. Et le verre. Bon, ni kuvuka. De veau. Bangombe. Voyez bien mes frères. Munaona wanduku. Chaque famille. Kila jamaa. Avait une activité propre. Na kazi ya upeke. L'autre son travail. Ou mwingine kazi yake. Ilikuwaka tu kulima ngano. Unaona wanduku wapendo. De cette manière. Sasa mwile na muna. Chacun. Kila mumoja. Avait besoin. Alikuwa lazima. De son frère. Na nduku yake. Il n'y a aucun frère. Hakuna tantu kumoya. Kula alikuwa kana biote ya koneana. Kula alikuwa alimaka biote. Hakuwa ta jamaa moya. Iliwezi kulima biote. Iliwezi kupa biote. Hapana. Kila jamaa avait son activité. Alikuwa kana kazi yake, kazi yake ya upeke. De telle manière. Mimi namna kusema. Si moi j'ai besoin de lui. Kama mimi niko lazima na mafuta. Mitenda. Dans la famille de Josué. Jamaa ya Josué. C'est là où ndio mule bona uzisha. Bana lima. Si il a besoin du atakuwa kwangu. C'est ma bénédiction. Na mimi ni baraka yangu. Unaona wanduku wapenzi. Kama niko lazima na nyama wala maziwa, bila pasha kwenda kujamaa ya ndugu Jamari. Unaona? Hakuna mvuruko. Kama niko lazima na samaki, nitenda mjamaa ya ndugu Jinyas. Eh, aussi les activités, c'est la pêche. Unaona wanduku wapendo. Unaona dada mpendo. Chacun. Kila mmoja alikuwaka na kazi yake. Kazi yake. Ile permette ile laza kumuruhusu kuishi. Na. Chacun. Kila mmoja. Avait besoin de l'autre. Alikuwa lazima na mwingine. Unaona wanduku wapendo. Il n'y avait pas de confusion. Hakukuwe mvuruko hapana. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce kanisa lenifata? L'église est avec moi. Kanisa iko lenifata? Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Je reprends encore. En Israël. En Israël. chaque famille n'avait pas le droit de cultiver toutes choses ou de faire toutes les activités. Non. Chaque famille avait une activité particulière dont quelqu'un d'autre ne pouvait faire. Alors, par exemple, si moi j'exerce la pêche, Naona, c'est ça mon travail d'héritage avec mes enfants. Je ne peux pas aller faire une autre activité et mes enfants ne peuvent pas exercer une autre activité si je mourais et mes petits-fils et mes arrière-petits-fils, eux seront là seulement pour faire la pêche. Naona, si Doukou Romain, si son travail à lui, c'est le faire le palmeret, c'est ça le travail que Dieu lui a donné. Jusqu'à sa mort, il va léguer ça à ses enfants. Ses enfants vont léguer ça à leurs arrières. C'est ça leur héritage. En Israël, si tu cherches de l'huile, tu dois aller où? Tu dois aller chez Romain. Et si vous m'avez bien suivi, la famille de José, eux sont là pour élever les veaux. Ils ne peuvent pas élever d'autres choses, d'autres bêtes, non, non. Ils ne peuvent pas faire le blé, non. Ça, c'est l'activité pour une autre famille. Si nous avons besoin du lait, nous devrions aller chercher ça chez José. Voyez-vous, dans l'église de Mungu ile ni unatumikisha juu yenu. Unaona ndugu wapendwa, zawadi ile ni unatumikisha aina yangu, zawadi ni wewe ndio mwenye kufaidia ile zawadi. Eti kanisa pamoja na mimi ni vya kweli, ndugu ni vya kweli, dada yangu, hata mwenye kuwa na zawadi ya uponyaji aina zawadi yake yeye, hapana, ni zawadi ya kanisa. Mwenye kuwa na zawadi ya kuhubiri aina ndio zawadi yake, ni zawadi ya kanisa. Mazawadi kunaongezeana moja na nyingine. Unaona wanduko wapendwa, unaona dada mpendwa, si moi j'ai arrêté de prêcher, je deviens maintenant choriste, ni mvuruko. Unaona, si moi j'ai arrêté de prêcher, unaona, je deviens celui qui prédit, il est là quoi mvuruko. Unaona, unaona dada mpendwa, chacun de nous a reçu de la part de Dieu un don pour édifier le corps de Christ. Et car dans le corps, il n'y a pas de la confusion. Dieu, en partageant le pays de Palestine aux enfants d'Israël, il a donné à chaque famille la portion de terre et le travail que cette famille devait y exercer, dont notre frère ne peut pas exécuter. Pourquoi? C'était parce que pour chaque enfant de Dieu ait besoin de quelqu'un d'autre. Que nous puissions nous entraider les uns les autres. Le travail de Dieu, ce n'est pas le travail de la bouche. Si la bouche, la seule bouche parle, voit, marche, ça parle. Où sera le corps? Est-ce que vous comprenez cela? C'est vrai, frère. Les dons que vous recevez de Dieu, c'est ça votre héritage. C'est vrai. Ni kweli. Pour que vous ayez besoin de quelqu'un. Il vous faut qu'on ait taji ya mtu mwingine na wewe. Les territoires. Jimbo yabo. Les territoires. Majimbo. Que les enfants d'Israël. Ile batoto wa Israeli. Ou les tribus d'Israël. Wala makabila ya Israeli. Wanaweza kupokea. C'est un don de Dieu. Il kwa zawadi ya Mungu. C'est vrai, frère. Ni kweli ndugu. Personne d'autre. Akukwe mtu mwingine. Ne pouvait l'occuper. Aliwezi kubeba ile fazi. Pourquoi? Dieu anili. C'était destiné. Il kutangulia kutayarishwa. Kwa Israeli peke yake, sawa urithi yabo. Même la Palestine. Hata Palestine. C'est un territoire. Il est quoi, Budongo? Que Dieu a détaché. Il est Mungu Alitosha. C'est tout de toute la terre. Budongo yote. Pour le donner seulement. Dieu a kuipati ayo tu. À Israël. Pas qu'à Israël. Vous voyez bien le message. Aux enfants d'Abraham. Papa Toto Ibrahim. Aucune nation. Ah, qu'on a ta taïfa moja. Même ce matin. Ata Isa Asubiyaleo. Ne veut occuper. Aïwezi Kubeba. Israël. Israël. La Palestine. Palestine. Non. Apana, apana. C'est un don. Izawadi. Que les enfants de Jacob. Ya Yakobu, les enfants d'Israël. Batoto Israël. Ont reçu de la part de Dieu. Kwa upande wa Mungu. C'est vrai. Ibia kweli. C'est vrai mon frère. Ibia kweli dugu yangu. C'est vrai ma soeur. Ibia kweli dada yangu. Suivez très bien. Mufate mzuri. Et aucune personne. Na hakuna ta mtu moja. Ne pouvait le faire. Wakuweza ne pouvait occuper la place de quelqu'un d'autre. Wakuweza kubeba fazi ya mtu mwingine. Maintenant, quand nous vous avons parlé du rachat. Sasa wakati tulimionyesha mambo ya ukombozi. Et même de la loi du rachat. Na hata njua sheria ya kukombola. Et de l'année de jubilé. Na mwaka ya jubilé. Nous vous avons dit ceci. Tulimionyesha hivi. Cette loi du rachat. Hii sheria ya ukombozi. Était uniquement. Ilikuwa tu. Pour Israël seul. Juu ya Israël peke yake. Elle ne concernait pas. Na ikwanze kuangalia. D'autres nations. Ma inchi ingine. Du monde entier. Ya ulimwengu wote mzima. La loi que Dieu a donnée à Israël. Sheria ile Mungu alipatia Israeli. Est un don uniquement. Ni zawadi yenye kuelekea tu. Pour les enfants d'Abraham. Bakatu, batoto, ya Ibrahimu, ya Isaka. Et d'Israël. Na ya Israeli. Cette loi-là. Il est sheria. Ne concerne pas. Ayeleke. Les nations du monde entier. Ma inchi, ya ulimwengu wote mzima. L'année du jubilé. Mwaka ya jubilé. Elle aussi. Na yo, vile. Concerne uniquement. Iyaza kweleke yaka tu. Israël. Paka Israël peke yaki. Le jubilé. Jubilé. Ou l'année de jubilé. Wala mwaka ya jubilé. Est un droit attribué. Ilikuwa alali yenye kupewa na Mungu. A son peuple par sa grâce. Kutaifa yake, munema yake ye mwenye Mungu. C'est la manifestation. Nikonekanishwa. De la grâce de Dieu. Kwa neema ya Mungu. Envers Israël. Mbele ya Israël. Reprenez. Murudirie. La lecture. Kusoma. De Levitique 25. Ya Walawi sura makumbi na tano. Mais quand vous prenez. Lakini wakati mkibeba. Levitique 25. Walawi sura makumbi na tano. Dans son paragraphe, dans son verset 29, il y a quelque chose que je vais attirer attention là-dessus. Le jubilé était un droit. Il kwaka alali wala rusa attribué par Dieu. Il est lipewa na Mungu. Uniquement à son peuple, Pakatu, Israël, utaifa yake ya Israeli, dans sa grâce, dani, katika neema yake. Cela ne concerne pas d'autres personnes. Ile aikueleke watu wengine. Oui, madame dit ceci. Dubrana manasema hizi. Dans retour et jubilé, avant qu'on lise. Bila kusoma andiko, Walawi somo 25. Le retour et le jubilé. Kurudia na jubilé. À la page 9, à la page 8. Kartasi ya kiamunane. 8-9. Na atisa. Au paragraphe 20. Nukta makumimbili. Maintenant. Tasa. Si d'une façon ou d'une autre. Kwa mnamna hii wala ingine. Quelqu'un perdait l'héritage. Muta nafika mkupoteza uriti yabo. Que l'air avait été donné par Dieu. Ile Mungu aliwapatiaka. Il arrivait une année de appelée jubilé. Kuanza kufika kwa mwaka mmoja yenye kuita jubilé. Une année de jubilé. Mwaka ya jubilé. tous les 7 ans, il y avait un repos, un sabbat, tous les 7 jours, il y avait un sabbat, tous les 7 ans, il y avait un sabbat, et ce sabbat faisait 49 ans. Il y a un et la 50e, Lors de ce jubilé, na mwakati ile jubilé, chaque homme qui avait perdu son héritage, bila mutu alipotezaka urithi yake, d'une quelconque façon, munamna fulani, si il était né libre, kama alizali kwa uru, si il était né libre, kama alizali kwa kamutu mwenye kwa uru, et qu'il était un Israélite, na alikuwa kama Israeli, pur sang, wa damu ya safi, peu importe qui détenait la possession, aizuru ni nani alibeba alishika mali yake, et devait lui revenir gratuitement, ile urithi yake ilipasha murudiria kwa bure. Il ne devait rien payer, akuwezi kulipa kitu hata chochote, il ne devait rien faire, akuwezi kupa kitu chochote. Si ce n'est isipokuwa tu qu'arrêter, kusimamisha, de ce qu'il faisait, kufanya ile anaanza kufanyaka, et retourner à son héritage, na kurudiria murithi yake. Oh là là, oh là là, il avait un droit sur cela, alikuwa na ruhusa sasa yule ile mali yake. C'était un droit, ilikuwa halali, attribué par Dieu, ile ilipewa na Mungu. En effet, hivi basi, lui par sa grâce, yeye mnema yake avait hérité cela, alirithi ile. Cela avait été donné à ses pères et transmis année par année. Peu importe ce qui s'était passé, s'il avait perdu, cela devait être libéré gratuitement. Cela signifiait que la grâce et la voie pourvue pour que chaque individu retourne à son héritage yake légitime. Il est limupewa kwa rusa. Bref, amen. Quelle belle image. Picha gani ya mzuri. Cela donne, cela nous donne ce matin. Ni picha gani mzuri inatupatia kwa asubuhi ya leo. Ce dernier jour. Mwima siku ya mwisho. Vous voyez. Unaona? Ce que l'homme peut faire. Ile mtu anaweza kufanya. Et puis, kisha, voyez ce que Dieu peut faire. Muone kile Mungu anaweza kufanya naye. Ce que l'homme a fait échoue. Ile mtu alifanya kinashindikana. Échouera toujours. Na bitendelea pa kushindikana. Cela a échoué. Il shindaka. Cela échouera toujours. Na itendelea pa kushindikana. Mais ce que Dieu fait. Lakini kile Mungu anafanya. Est éternel. Ni milele. Et doit demeurer pour toujours. Na kinapasha kudumu kwa lote. Rien ne peut jamais l'ôter. Hakuna kitu cha kikondosha. C'est Dieu qui le donne. Ni Mungu ndio anailipana. C'est un don gratuit. Na ni zawadi ya bure. C'est vrai. C'est par une souveraine capacité. Ni kwa uwezo ya upeke, ya de voir yake, les choses d'avance. Ya kutangulia kuona bitu, il a vu cela. Alionaka ile, et l'a établi. Na kaiweka, et il n'y a rien qui puisse jamais déplacer cela. Na hakuna kitu ya kuwezi kutosha ile kitu pafazi yake. Cela se trouve là. Inapatikana pale. Éternellement. Kwa milele. Et le jubilé. Na jubile. Et c'est le moyen par lequel Dieu exprimait sa grâce. Ile Mungu anaanza kuonesha ni neema yake kwa taifa yake. Pour la restauration. Bila kurudishiwa. Wala. Pour être ramené. Bila kurudishwa. À leur position légitime. Muali yabo ya zamani. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada. Vous avez suivi ce que frère Branham. Munafuata ile nduku Branham anatoka mkusema. Très bien. Mzuri sana. Le chapitre 20. Tusome Walawi sura 25. Lévitique chapitre 25. Voilà, oui, sur la Makumbila Tano. Verset 29. Nous sommes à Makumbila Tisa. Jusqu'au verset 31. Hata Makumbila Tuna Moja. Si un homme vend une maison d'habitation. Kama mutu anauzisha nyumba mula ya kupangia. Dans une ville entourée de murs. Mumuji yenye kuzunguka na maukuta. Il aura le droit du rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Atakuwa na ruhusa ya kukombola ile kitu hata kufika mwaka mmoja kisha kuzisha kwayo. Son droit de rachat durera un an. Ruhusa ya kukombola kwayo itaendeana na mwaka mmoja. Si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière. Lakini kama nyumba ile inapatikana mumuche kuzunguka na maukuta haikombolewe mbele ya mwaka mmoja kumalizika. Elle sera à perpétuité à la querelle. Et à ses descendants, il n'en sortira point au jubilé. Les maisons des villages, non entourées de murs, sont considérées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées. Et la querelle en sortira. Tirez très attention pour une maison, un héritage, une propriété entouré de murs dans une ville devait être racheté dans une année. Son rachat était fixé à une année. Voyez bien mes frères, après une année, c'est son héritage. Ni uriti ne pouvait plus être libéré. Ile uriti yake bakuwezi kuikombola. Ile nyumba reste toujours à toujours. Ilianza kuendelea kubakilia à la querelle. Kwa ule alibeba. Vous voyez? Unaona? À la querelle. Kwa munya alibeba. Vous voyez? Unaona? Et à ses enfants. Na kubatoto yake ule alibeba. Oh jubilé. Kumwaka jubilé. C'est seulement les enfants d'Israël. Ni paka tu batoto ya Israeli. Ne Israélite. Benye kuzali kwa ba Israeli. Du puissant. Ba baba na mama mu Israeli. Il pouvait être libéré. Ndio baliwezi kukombolewa. Mais pas les autres esclaves. Lakini hapana batumwa bengine. C'est vrai. Ni bia kweli. Les autres esclaves. Aba batumwa bengine. Pouvait entendre. Baliwezi kusikia. Et reconnaître la trompette du jubilé. Na kutambua parapanda ya jubilé. Mais. Lakini. Cette année de jubilé, mwaka ya jubilé ne les concerne pas. Haikubangari yake hapana. C'est vrai frère. Ibia kweli nduku. C'est vrai ma soeur. Ibia kweli dada yangu. Mais pour les enfants d'Israël. Lakini kwa batoto wa Israeli. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Bo walipasha kufanya nini? Ils devaient entendre. Balipasha kusikia. Le son de la trompette. Mulilio ya tarupeta ya jubilé. Et reconnaître na kutambua qu'aujourd'hui c'est le jour de ya kwamba leo ni siku ya jubilé. Et après na kisha il devait se lever walipasha kulamuka librement kwa uhuru yote abandonner ce qu'il faisait wacha vile wanaenda kufanya voyez naona et sortir na kutoka de la maison de leur maître munyumba ya bwana wabo mtawala yabo na automatiquement na kurudia mara moja dans l'héritage qu'il avait perdu urithi ile alipoteza sans rien payer bila kulipa kitu chochote. Sans discussion. Bila kubitana. Quand le maître. Wakati mutawalo. Entende. Alisikia. Que le son de la trompette. Ya kwamba mulilio parapanda jubilé. Avait sonné. Inalia. Lui-même par respect. Yeye mwenyewe kwa heshima. Il libéré. Alikuwa naacha huru. C'est vrai frère. Naona ndio. Il libéré l'héritage. Alikuwa naacha urithi. Cela ne lui appartenait plus. Ile haikuwa tena yake. C'est vrai frère. Ndio kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ndio kweli dada yangu. Mais si. Lakini kama. L'homme lui-même refusait. Mutu yeye mwenyewe anachika mukukatala. Il dit j'ai entendu le son de la trompette. Anasema mimi nilisikia parapanda. Mais je refuse de me libérer. Lakini nakatala kwenda huru. Ça c'était son affaire. Ile ilikuwa ni mambo yake. C'est ainsi. Mwina muna. Que vous remarquez. Mutaona. Il y a deux sortes d'esclaves. Kuko aina mbili ya butumwa. C'est vrai. Ni vya kweli. Il y a l'esclave israélite. Kuko mutumwa muisraeli. Qui était libre. Ule alikuwa huru. Il y a Kuko, l'esclave des nations, mutumwa wa mataifa, ya mapagano, qui demeurait esclave. Ule alende kubakilia mpaka mutumwa. Et la troisième catégorie, na kundi ya tatu, voyez, unaona, c'était des Israélites, ilikuwa wa Israeli, qui étaient libres, wale walikuwa huru, mais qui refusaient, lakini wanaanza kukatalaka, la libération, ukombozi yabo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Je reprends. Narudiria hapo. Je pense au courant de la semaine, on va parler de ça en profondeur. Nazani, kadiri ya jume unakuwa ndio tengia sasa mupana. Et vous remarquerez. Na mtaona. Pourquoi beaucoup de frères. Tu as ni banduku ba mingi. Et beaucoup de sœurs. Na batata ba mingi. Demeurent dans le péché. Banadumu mzambi. Pourquoi ils ne sont pas assistés par Dieu. Jua nini abasaidiwe na Mungu. Retenez ceci. Mubambe hivi. Mushiki. Toutes les maisons. Manyumba yote. Qui était dans une ville clôturée. Ile lipatikana mumuji yenye kuzungukwa na maukuta. C'est lui qui perdait cette maison. Ule anaza kupotezaka ile nyumba. Pendant la période de pauvreté. Wakati ya umaskini yake. Avait le droit de racheter cette maison. Alikuwa na ruhusa kukombola nyumba yake. Dans une période d'une année. Mumuda ya mwaka moja. Si pendant une année. Kama mumwaka moja. Il était incapable de le racheter. Ule mtu anakosa uwezo wa kukombola nyumba yake. Cette maison là. Ile nyumba. Reste à toujours. Yaza ubakia kwa lote. À la querelle. Mumikono ya ula libeba. L'église est avec moi. Apa kanisa kwa inifuata. Est-ce que l'église est avec moi? Kanisa inenifuata. Je vais bientôt m'arrêter. Sasa hivi tasimamisha. Unauzisha nyumba. Tu vends ta maison. Il est comme une ville clôturée. Et cette maison se retrouve dans une ville clôturée. Il faut kufanya rakaraka. Il faut user d'urgence. Avant que moi kayene. Avant la firma d'un mois. Wende uikomboe. Que tu ailles racheter ta maison. Abanduku yako bakusaidie. Ou soit tes frères puissent t'aider à aller racheter ta maison. Kama mwaka inaisha. Si l'année s'est terminée. Unashinda kuikombola. Tu n'arrives pas à racheter ta maison. Atamu nafika kujubile. Même si vous arrivez à l'année de jubilé. Ile nyumba. Cette maison là. Yenye kuya mou. Se trouvant. Mumugini. Dans une ville. Yenye kufunga na kibumbashi. Clôturée des murs. Une hypothèse via l'autre. Tu la perdais définitivement. Il n'avait qu'à quoi acquérir. Elle est restée pour l'acquéreur. C'est vrai. Il n'avait qu'à quoi acquérir. Ça va rester définitivement pour l'acquéreur. Une hypothèse via l'autre. Et tu l'as perdu aussi définitivement. Balé en bas. Ce alors. Barifia concerné dans le jubilé. Il était concerné par le jubilé. Ce n'était que les enfants d'Israël. Et en laissant pur. C'est vrai, frère. Il y a quoi l'indoukou. Pas de demi-israélites. Apana va Israël Bakipande. Non, frère. Apana Ndoukou. Non, ma soeur. Apana Dadayangu. La loi. Sharia. Les concernés. Il y a un Zakbanga. Il y a un Zakbanga. Les enfants d'Israël, ayant les sangs purs, ils entendaient les sons de la trompette de la liberté, ils reconnaissent que ça, c'est la trompette des jubilés que Dieu nous a donné. Ils n'avaient pas d'argent à payer, ils n'y avaient pas à discuter, ils n'avaient rien à faire. Ce n'était pas le problème d'aller dire au revoir à son maître pour dire avez-vous entendu la trompette a sonné. Non, non, même s'il était au champ en train de cultiver, lui c'était question de prendre la houe et la jeter et sortir. Il entrait, il ne pouvait même plus frapper à sa porte. Il ne va pas frapper, il ne pouvait pas frapper au nom, entendons-nous. Pas. Il entrait en possession de son champ. Il entrait en possession de son champ. Dès qu'il y trouvait, et il pouvait en consommer. Naona, il ne pouvait pas dire que non. Toi, viens d'abord prendre ta récolte. Non, non. Immédiatement, c'est devenu sa propriété. C'est Dieu qui le lui a donné. Il ne pouvait pas aller chez les chefs de quartier pour dire non et demander l'autorisation que nous puissions écrire des actes de cession. Dieu lui-même l'a racheté, l'a délivré de sa servitude. Dieu lui-même, il l'a retourné dans son héritage et il devait manger l'héritage et c'était son droit. C'était son droit. Ni à l'aliaki, ni au uriaki. Il n'avait pas de compte à rendre. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y avait pas de compte. La personne auprès de qui il s'était vendu, l'acquéreur, lui-même, de lui-même, s'il l'entendait, il devait se respecter pour qu'on ne vienne pas lui poser des questions. De lui-même, il cédait l'héritage d'autrui. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendo. Dieu anili. Parce que Mungu. Car Dieu. Anamufukuza. La chasse. Et qu'on alurisha. Et retourne. Urithi kwa mwenyayo. L'héritage au propriétaire. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendo. Ce que Dieu nous donne. Ile Mungu anatupatia. Demeure à nous. Inadumu yetu. Nous appartient. Yetu. Éternellement. Kwa lote. Le droit que Dieu nous donne. Alali ile Mungu alipatia. Pas négociable. Aenda kusema tuzungumuze njuu yayo. C'est vrai frère. La bénédiction que Dieu baraka nous donne. Ile patia, elle n'est pas négociable. Aene, tuzungumuze avec Satan. Na Shetani. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendo. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendo. C'est comme ça que ça se fait. Ndio vile mambo yanaanza kufanikaka. Maintenant il y a trois sortes. Sasa kuna aina tatu. Il y a un esclave. Kuko mutumwa. Israélite. Israeli. Lui qui était libre. Yeye ula alikuwa kauru. Qui était libéré. Ula alikombolewa. Au jubilé. Mwaka ya jubilé. C'était son droit. Ile ilikuwa ruhusa yake. Voyez. Naona. Il y avait. Kulikuwaka. L'esclave païen. Mutumwa mupagano. Pour lui. Kwake yeye. La, le jubilé. Jubilé. Et la trompette de jubilé. Tarupeta ya jubilé. Ne les concerne pas. Haikuanzake kumwangalia. Voyez bien mes frères. Naona ndugu mpendo. L'hébreu. Wakati muhebrania. Qui avait écouté la trompette. Ule alisikia tarupeta. S'est libéré. Alenda uru. Par la loi de Dieu. Kwanzia sheria ya Mungu. L'esclave païen. Mutumwa mpagano. Lui restait. Yeye alianza kubakiaka. Dans l'esclavagisme. Mutumwa. Même s'ils étaient à deux. Hata kama walikuwa bote bawili. Je ne sais pas si l'église comprend. Sio kama kanisa inaelewa. Même s'ils travaillaient à deux. Hata kama walikuwa natumika bawili pamoja. Moi. Miko mutumwa mataifa. Je suis esclave païen. Gomez. Gomez. Eko israélite mutumwa. Était un esclave israélite. À la trompette de jubilé. Kuriria kwa trompette ya jubilé. Moi je continuerai à cultiver. Mais hier, mais lui, jette la houe et s'en va libre. Il n'a pas besoin de me dire au revoir. Ana lazima alilaki. Tu commences par oui. Nous sommes deux personnes différentes. Nama sheria mbili. Ayant deux lois kutongoza. Qui nous conduisent. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendo. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendo. L'esclave païen. Mutumwa mupagano. Au jubilé. Mumwaka ya jubilé. Il restait. Aranza kubakia mutumwa. Son maître. Kwa mutawalo wake. Mais. Lakini. Pour ce qui est. Kwa nye nangalia. D'un israélite. Muisraeli. Que Dieu libère. Ule Mungu aranza kukombola. Mais lui. Lakini yeye. Après avoir entendu. Kita ye kusikia. Et reconnu. Na kutambua. La trompette de jubilé. Tarupeta ya jubilé. Mais qui a lakini, laissé son maître dire. Aranza kwenda kwa mutawala wake na kusema. J'ai entendu. Nilisikia. Mais toi tu lakini, me traites bien. Lakini we. Unentendeaka mzuri. Je suis en paix avec niko toi. Niko msalama na weye. Ma famille. Jama yangu. Kofer bien avec ta famille. Inatumika mzuri na jama yako. Batoto yangu. Niko msalama na batoto yako. Tu me donnes un bon salaire. Je ne trouve plus. C'est raison de retourner faida ya kurudiria muriti yangu. Ule bwana aranzaka kubeula Mungu, aranzaka kubeula sheria ya Mungu, aranzaka kutenda dhambi ya shoku samewa, aranzaka kubakiliaka kwa lote mutumwa ya ule alimutawala. Joko wale wanzaka kumbobeba na kumbeleka na mbele ya wazee. Aranzaka kusema wazi, aranzaka kuisema mbele ya wazee ya kwamba mie j'aime Josué. N'empêche José. Comme mon maître. Sawa, il me traite bien. Je ne vais pas sortir. Et José dira. Kutoka. N'a pas le Yusuf parce que c'est marqué. Sachez vous-même vous avez. Moi venir mon askia. On trouve, on pense maintenant. Baranza kwenye na kumtowala lisikio. C'est fini. Kuna malizika. Ce dernier là. Huyu naye. Bien qu'il soit Israël. Hata kama ni Israeli. Il avait commis un péché impardonnable. Il avait méprisé Alibéula, Dieu. Mungu, il avait méprisé Alibéula, la grâce de Dieu. Ya Mungu, il avait méprisé Alibéula, la libération de Dieu. Mungu, il restait là jusqu'à pale, la fin de sa vie. Lui et ses yake, enfants. Yera batoto yake. C'est vrai frère. Biakweli nduku. C'est vrai ma soeur. Biakweli dada yangu. Vous voyez. Unaona. Voyez mon frère. Unaona ndugu yangu. Et na Dieu. Mungu. Quand vous refusez wakati Dieu. Unamkatala Mungu. Volontairement. Kwa kipendaro. C'est fini. Kuna malizika. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendo. Voyez bien mes sœurs. Unaona dadangu mpendo. Et ces gens qui restaient, nous allons vous les montrer. Pourquoi ces maisons étaient clôturées, ne pouvaient pas sortir? Nous allons vous les dire. Voyez bien mes frères, mais faites très attention. Pour terminer, faites très attention. Faisons attention. Quand Dieu vous libère, acceptez ce que Dieu fait pour il toi. Est Mungu. Kama unakatala, si tu refuses we mwenye, de we toi-même, tu t'es pendu. Dieu n'a plus rien Mungu à faire avec toi. Ana tena ya pas ce qu'il pouvait faire, c'est ce qu'il a fait pour toi, Patrick. Dieu a l'ukufanizia munema yaki. Mais toi, tu as refusé. Lakini wewe unakatala. Vous prouvez unahakikisha que vous n'êtes pas pur du sang. Ya kusema wewe hauna wadamu safi. Wewe bien mes frères. Unaona ndugu mpendo. Vous prouvez unahakikisha que vous n'êtes pas pur du sang. Ya kusema wewe hauna wadamu safi. Pourquoi on dit? Unaona jioni banasema ni wa Israeli wenye kuwa wadamu safi. C'est parce qu'il y a des Israeli. Ils ne sont pas purs. Wale hauna wadamu safi. Wewe bien mes frères. Unaona ndugu mpendo. Il y a des chrétiens. Uko wa Kristo d'expérience, wa onjo, de véritable, wa kweli, fils de Dieu, wana wa Mungu, fils de Dieu, binti wa Mungu, qui sont nés, walizalikwa, de la vraie parole, kutoka neno la kweli, walizalikwa, kwa roho takatifu ya kweli, beko na mwenyendo, kabisa kabisa ya kuachana, na wa mchanga mbeko, des membres d'église, wa memba wa kanisa, qui n'ont pas l'expérience avec Dieu. Wale awana na onjo walifanya na Mungu. Dans leur âme. Wale ndani ya nafsi yabo. Il n'y a pas la parole. Amuna neno. Ndani ya nafsi yabo. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. Amuna roho ya Mungu. Ils ont un autre comportement. Beko na mwenendo ingine. Je reste ma langue. Na cha tu pale tutendeleshe. Le temps est parti. Que Dieu vous bénisse. Mungu apate umibariki. Nous allons continuer. Tutaendelee. Kama uko na le follow, si tu t'absentes, tu vas rater de bonnes choses. Tu vas rater de bonnes choses. Maintenant, c'est de toi-même que tu dois te placer. Et tu es esclave. Nous verrons au courant de la semaine. Si toi tu es esclave des païens, ou toi tu es esclave, un Israël qui a vendu ses biens à cause de la pauvreté, ou soit tu es esclave, Israélite qui a refusé, il a méprisé, il a outragé, il a refusé et rejeté la grâce de Dieu, se disant, bien que tu m'aies libéré, bien que tu m'aies libéré, moi je refuse. Quand bien même tu as fait sonner ta trompette, moi je reste dans la servitude. Nous le verrons au courant de la semaine. Tout ce qui Dieu a kuomba. La chorale peut nous entendre. Kwaya, inawezi kutongoza nyimbo yetu, mito ya Mungu. C'est toi-même qui vas te placer ou te jipanga. Batoto ya Israël. Les enfants israélites. Badam Moussaï. Ava kukuye na magumu. Ils n'avaient pas de difficultés de retourner dans leur héritage. Mouriti yabu. Vous voyez, unaona, il est retourné banza kurudiaka librement kwa uhuru yote avec joie na furaha. Juu ya nini? Pourquoi? Mubutuma mule balikuya dans l'esclavage où il était, il souffrait, balikuwa beko na ngaika, il gémissait. Mwenye kwa na damu safi n'accepte pas haitikiake la domination utawalo ya mutu. Mwenye kwa na damu safi, le Christ wa damu safi, mwenye kwa na damu ya Christ ndani yake, mwenye kwa na damu safi ya Christ ndani yake, avumiliake kamwe utawaliwa na mademona. Yeah. la trompette de jubilé. Inapasha kusikiliza tarompeta ya jubile. Si vous n'êtes pas prêt à écouter cette trompette, kama una tayari kusikia hii tarompeta, vous allez sceller ton âme avec l'enfer. Utatia muri nafsi yako mungena. Tupate kuomba sisi wote pamoja. Mungu atupanzie neema ya kusikia mara mbili wakati anasema mara moja. Mungu atupanzie neema ya kutufunulia ya kwamba tuko benye kwa damu safi, batoto ba Mungu, ba damu safi. Hakuna mchanganiko ndani mwetu, hakuna waribifu ndani mwetu. Mwenye kwa safi kwa moyo eko nasikiliza vizuri la voix du Seigneur, sauti ya Bwana.